Les centaures, quatrième partie, 2. L'aube blêmit. Un à un, les centaures sortent des grottes, étirent leurs membres et regardent autour d'eux en silence. Tout le ciel est sombre. À peine, une lueur indécise vacille à l'orient, comme si le soleil étouffait, reculé sous la masse lourde des nuées. La mer est grise. Un brouillard opaque dort sur les eaux clapotantes, dissimule jusqu'au panache de la montagne qui fume. L'angoisse serre les cœurs. Faudra-t-il tout à l'heure, par le froid et la brume, nager à l'aventure vers une terre invisible? Un bruit de voix distrait les pensées. Gurgundo et ses frères ont-ils devancé l'heure? Non. Les centaures tendent les bras et s'étonnent. Du bois, encore obscur, se détachent des silhouettes familières qui s'approchent en se dandinant. Toute la horde aux pieds fendus est là, Pyrip en tête qui s'avance vers Clévorac. Le vieux chef presse dans ses mains celle du capripède. Les dominateurs sont heureux, avant leur hasardeux voyage, de revoir les visages aimés de leurs frères. Pyrip secoue les épaules. Ce n'est pas pour un adieu suprême que les faunes se sont levées avant le soleil. Du jour où la décision des centaures a été connue, la leur a été également arrêtée. Tout à l'heure, quand le peuple aux 6 membres prendra la mer, leurs petits frères se jetteront à l'eau avec eux. Parmi les frustres centaures, un émoi frémit. D'une si grande tendresse, leurs cœurs rudes sont touchés. Mais Clévorac s'inquiète. Son peuple, bon nageur, aura peine à gagner la terre étrangère. Comment les faunes, plus faibles, qui n'ont que 4 membres et dont les longs poils s'alourdiront d'eau, ne succomberont-ils pas? Pyrip envisage le chef avec des yeux calmes. Sans doute, beaucoup succomberont dans la traversée. Mais la mort de quelques-uns est préférable à la mort de tous. Or, quand les centaures seront partis, selon la loi antique et inéluctable, ce n'est point le froid seulement qui terrassera les pieds de chèvre. Partout où les animaux rois ont disparu, avec la neige et la glace, les écorchés sont arrivés. Si la bise épargne quelquefois, l'écorché n'épargne point. Aussi, tout à l'heure, les faunes tenteront l'aventure. Aucun ne dut-il survivre, ils aiment mieux périr auprès de leurs frères que sous les coups des impurs. Le cœur troublé, Clévorac se tait. Une clameur criarde jaillit des flots. En un instant, il se hérisse de face camuse, de thorax bombé, de bras tendus, de croupes onduleuses et de queues fatigantes. Tout entière, la tribu des tritons est assemblée. Ils poussent des acclamations et battent des mains frénétiquement. Les petits exécutent leur folle culbute à fleur d'eau. Pour le peuple de Gurgundo, la traversée n'est qu'un jeu, et leur humeur gouailleuse s'exalte parce que, tout à l'heure, les grands frères, si robustes sur leurs 4 pieds, auront besoin de secours. Mais Clévorac s'avance vers Pyrip au bord de l'eau et elle, Gurgundo. Les vagues viennent lécher leurs sabots. Malgré lui, le faune fait un pas en arrière. Et le vieux centaure explique au triton quelle chimère a germé sous les fronts cornus et l'adjure de la dissiper. Pyrip, bien qu'il grelotte sous la caresse humide, affirme de nouveau sa volonté immuable. Gurgundo, perplexe, claque de la langue et se tait pour réfléchir. Soudain, il se représente vivement combien seront mornes les berges des rivières si les faunes ne les égaient plus de leurs gambades. Et il s'afflige à l'idée d'abandonner ceux-ci sur la terre inhospitalière. Et, en un instant déterminé, il hoche le menton, bat des mains et appuie avec chaleur le dessin de Pyrip. Les tritons sont plus nombreux à coup sûr que centaures et faunes réunis. Dans leur élément, ils ne connaissent pas la fatigue. Ils seront là pour soutenir leurs frères. Clévorac ne s'obstine pas. Son cœur s'attristait d'abandonner les pieds fourchus. La joie est générale parmi les animaux nobles qu'entre eux il n'y ait point de séparation. Évoluant à la surface des ondes, les fils de la mer expliquent comment il faut s'y prendre pour fendre les flots et ne pas avaler d'eau salée. Cependant, le jour s'est levé. Une brise de l'est souffle plus tiède et refoule les vagues. La mer est calme, le ciel demeure voilé. Mais le soleil, miroitant sur les eaux, fatiguerait davantage les nageurs. À l'horizon occidental, la brume s'est dissipée et la terre lointaine apparaît plus souriante sous une bande azurée. Tous, résolus, attendent le signal du départ. Gurgundo est devenu grave. Maintenant, son esprit se concentre dans la grandeur de sa tâche. Il se parle à mi-voix, médite, regarde tour à tour le ciel au-dessus de lui, à l'est et à l'ouest, et quelle est la forme des nuages au midi. Il regarde aussi la mer, la direction des courants marquée par les changements de couleur du flot. Il faut que les émigrants atteignent l'îlot du milieu au moment où le soleil sera au plus haut point de sa course. Ainsi auront-ils le temps de se reposer et d'atterrir pourtant avant la fin du jour. Voici l'instant. Gurgundo frappe dans ses mains. Borborum, Oyotoro, Paflongix, Flanquenord l'imitent à grand bruit. Centaures et faunes s'assemblent et écoutent les ordres du triton. Plusieurs fois ils les répètent afin d'être sûrs que tous comprennent. Un murmure unanime l'approuve. Aujourd'hui, Clévorac et Périp ne commandent qu'après lui. Alors, une dernière fois, Gurgundo pose deux doigts sur son front, réfléchit, considère l'horizon et fait un signe. Le mugissement des conques emplit l'air. L'océan rejaillit sous l'élan des tritons. Les plus robustes, Gurgundo en tête, forment l'avant-garde. Leur tâche est de briser la force des vagues et de guider les émigrants en profitant des courants favorables. Les centaures les suivent. Ils se précipitent en s'exhortant les uns les autres. D'abord, ils ont de l'eau jusqu'aux jarrets, puis jusqu'au ventre, aux épaules. Ils perdent pied et se mettent à la nage. Parce qu'ils ont 6 membres, ils peuvent alternativement en reposer une paire, et tour à tour, leurs torses émergent quand ils nagent de leurs 4 jambes ou disparaissent quand ils cèdent de leurs bras. Les faunes sont derrière eux. Au signal de Gurgundo, Périp s'est jeté à la mer avec les plus braves. Mais au moment suprême, les femelles et même quelques-uns des mâles ont eu peur. Il a fallu tous les encouragements de leurs frères marins et la crainte d'être abandonnés pour les décider. Les tritons les environnent, les tiennent sous les aisselles, portent sur leur dos les faunillons qui toussent, crachent, éternuent et jettent des cris aigus de terreur. Maintenant, tout entière, la triple race a délaissé le sol antique et vogue vers ses destinées nouvelles. Après quelques brassées, Cadilda se retourne pour apercevoir encore la terre qu'elle ne reverra plus. Et un étrange spectacle frappe ses yeux. Voici que, sur la plage, se presse le peuple entier des bêtes sylvestres. Immobiles de leurs membres massifs, les aurochs meuglent en regardant la mer. Parmi eux bondissent les cerfs et les chevreuils, le mufle tendu vers le large. La gueule ouverte, Herta, la louve, hurle à la mort. Les robes rousses des renards, les rudes soies hérissées des sangliers, les corps jaunes des chacals, et les silhouettes graciles des biches et des faons s'agitent, se bousculent, courent le long du rivage, s'avancent dans l'eau et reculent tour à tour. Sans doute, leurs âmes simples ont, par une divination merveilleuse, pressenti leur malheur. Et, sur toutes les races des porte-mamelles, une immense détresse s'est abattue de voir fuir ceux qui les ont protégés, qui ont établi parmi eux la paix, ceux qui sont des frères et non des tyrans impitoyables. Et, sans doute, de discerner obscurément les destins funestes qui sont suspendus sur leur tête. Avec attendrissement, Cadilda, à quelques longueurs derrière le clapotis des faunes, distingue au-dessus des vagues les andouillés d'Axor, le cerf, qui, hier encore, posait son mufle sur le cou de sa grande amie. Il n'a pu se résigner à la séparation et désespérément nage à sa suite, l'angoisse dans les yeux. Un nuage d'oiseaux voltige criard dans les airs. Cadilda sent son cœur mollir et ses membres sans force. Une lame la surprend, lui couvre la tête. Elle s'enfonce, se débat, rejette l'eau, redresse son buste. Quand elle se retourne, la plage, couverte des bêtes désolées, est déjà loin, et elle n'aperçoit plus les andouillés d'Axor dominer les vagues. Mais la houle devient plus forte parce que le promontoire du rivage ne protège plus les nageurs, et chacun concentre son âme dans l'effort dont dépend sa vie. Ainsi, à travers la mer murmurante, sous les cieux sombres, la race triple poursuit sa migration héroïque. Contre la menace du destin, les animaux nobles ont raidi leur cœur, et, d'une seule volonté, ils combattent. Cruel est le départ, douloureuse est la tâche imposée, douteux le succès, obscur l'avenir. Mais nul ne s'est dérobé au devoir. Ceux qui doivent périr, périront. Quelques-uns, peut-être, échapperont à la mort et, sous d'autres cieux, perpétueront la vie de l'espèce. Avec de sonores éclats de rire, l'avant-garde des tritons, modérant son ardeur, fraye la route sur la plaine ondulante. Attentif, Gurgundo ne perd pas de vue ses points de repère afin d'épargner à ses frères, autant qu'il peut, un surcroît inutile de fatigue. Autour de lui, Paflongix, Oyotoro, Borborum, pour les récréer, leur chantent les merveilles de la mer ou se livrent à d'étonnantes gambades qui font rejaillir l'écume. Vaillamment, les centaures tâchent de sourire aux facéties de leur guide. Mais leur cœur est contristé de cheminer au milieu des eaux perfides. L'odeur salée de la mer les emplit d'angoisse. Leurs sabots s'inquiètent de ne point s'appuyer sur un fond solide. Les méduses molles qui flottent çà et là leur causent une répugnance invincible. Ils s'effarent des poissons qui fuient. Et quand, tout à coup, des algues gluantes s'enroulent autour d'eux, ils se débattent convulsivement. Aussi, leurs membres, qui les emporteraient si vite à travers les plaines herbeuses, commencent à peiner. Leur poitrine se soulève plus vite. Ils serrent les dents pour retenir leur respiration. D'abord, afin d'apercevoir plus tôt la terre nouvelle, et aussi pour éloigner d'eux l'horreur indicible de l'onde, ils nageaient le buste hors de l'eau. Leur lassitude les oblige maintenant à céder de leurs bras. Et alors, fréquemment, les vagues les recouvrent. Ils suffoquent sous la masse amère et se rappellent tristement la beauté riante des prés. Les faunes souffrent davantage. Leurs membres moins robustes sont terriblement alourdis par le poids des fourrures trempées. Ils les meuvent avec peine, se défendent mal contre la houle. À chaque instant, affolés par les remous, ils perdent la tête, barbotent au hasard, les yeux exorbités, la face convulsée. Mais autour d'eux, le peuple aux mains palmées se multiplie. Tritons et sirènes rivalisent, encouragent gaiement les moins las, maintiennent au-dessus de l'eau ceux dont les forces sont épuisées. Mais les heures passent. Et, peu à peu, chez les animaux rois aussi, la fatigue se fait plus douloureuse. Plusieurs fois, d'une voix enrouée, Clévorac et Kem, Arc lui-même, ont interrogé Gurgundo. Aperçoit-il l'îlot désiré? Le chef les a rassurés, leur a promis un repos prochain. Mais devant eux, les centaures ne voient toujours que le clapotis des flots. Leurs membres se font de pierre, le sang leur bat aux tempes, les yeux se voilent. Plusieurs fois, la vieille Rico a été enlevée par une lame. D'un effort désespéré, elle a reparu, a réussi à ériger au-dessus des embruns sa tête maigre où collent les mèches rares de ses cheveux déteints. Mais ses regards sont vitreux et une pâleur grise couvre sa face. Cadilda et le même sent la détresse l'envahir. Sans doute Gurgundo s'est trompé. Ou bien, qui sait si, par une lubie de son esprit mobile, il ne les mène point au hasard sur la plaine mouvante? Et d'ailleurs, les centaures trouveront-ils les moyens de subsister sur la terre étrangère? À quoi bon tant de vaines souffrances? Et, au lieu de lutter contre la mort, pourquoi ne pas l'accepter dès maintenant? La centauresse laisse ses muscles se relâcher, s'abandonne à moitié. Mais la saumure qui emplit sa bouche la suffoque, réveille malgré elle son énergie. Elle se débat et lutte de nouveau. Il serait plus doux de mourir dans les sous-bois par un soir d'été. Les conques mugissent. Gurgundo jette un long cri. Oyotoro, Borborum, Valvor crient après lui. Cadilda se redresse. À une portée de voix en avant des tritons, elle aperçoit une plage couverte de varechs et l'écume des vagues qui s'y brisent. Sur terre, quelques foulées l'y porteraient, mais les flots gluants paralysent sa vigueur. Les lames grossissent à mesure que la côte est plus proche. Le ressac entraîne en arrière les nageurs quand ils croient atteindre le but. Enfin, les sabots de la Vierge ont touché le sol. La vague l'enlève encore une fois, mais la suivante la reporte en avant. De toute la force crispée de ses muscles, elle se cramponne. Arc et Colpitru sont déjà sur le rivage et lui font signe. Quand l'eau descend à ses flancs, elle fait encore un effort, bondit, échappe définitivement à l'étreinte humide et s'abîme sur le sable sec. L'un après l'autre, les centaures prennent pied et se laissent aller hors d'haleine sur la grève, qui se couvre de grands corps épars. Les faunes les suivent de près. Piteux, épuisés, lamentables, grelottants, les figures défaites, les poils collés aux cuisses, ils ont à peine la force de faire quelques pas et puis s'affaissent sans penser. Quelques-uns vomissent sans relâche l'eau salée. Secourables, les tritons qui les ont retirés de l'onde s'empressent autour d'eux, frottent vigoureusement leurs membres raidis. Peu à peu, les pieds de chèvre reprennent connaissance. Seuls Priule et Payanx demeurent le ventre flasque, les dents serrées, les lèvres pincées, la face bouffie et bleuie. Ce sont deux cadavres que les tritons ont dérobés à la mer. Priule et Payanx ne connaîtront pas la terre étrangère. Et combien d'autres, peut-être, parmi leurs frères, qui les contemplent en claquant des mâchoires. Mais le soleil a pitié de ses fils. Il atteint le sommet de sa course. Ses rayons percent le ciel blanc, viennent réchauffer les émigrants, les préservent ainsi de la mort. Vaincus par la fatigue, faunes et centaures se sont endormis sur le sable. Leurs frères aux mains palmées se comptent les incidents du voyage et croquent à belles dents des crabes et des méduses échouées. Mais Gurgundo demeure vigilant. Et, dès que l'astre commence à décliner dans le ciel, il fait un signe à ses compagnons qui enflent leurs joues et soufflent dans les coquillages. Les dormeurs maugréent et s'étirent. Le triton gourmand de leur paresse. L'heure est venue de franchir la seconde étape. Mais quand les centaures aperçoivent toutes petites les roches rouges qui brillent au pied des montagnes, et que, de l'autre côté, ils voient également lointain un rivage abrupt et inhospitalier, leur cœur vacille de nouveau. Et Clévorac, tirant sa grande barbe, interroge Gurgundo. Pourquoi si tôt quitter l'îlot protecteur? Une nuit de repos rétablirait les forces de tous? Mais, très irrité, Gurgundo fronce les sourcils, crache par terre et clappe dédaigneusement de la langue. Le froid de la nuit engourdirait les dormeurs au lieu de les délasser. Et ceci encore est plus décisif. Haute marée, l'îlot tout entier disparaît dans les vagues. Or, au midi, le triton indique des nuages jaunâtres. La mer grossira vers le soir. Il faut partir. D'ailleurs, le second trajet est plus aisé. Les nageurs seront portés par le courant. Le vieux centaure incline sa tête blanchie et répète à son peuple les paroles de Gurgundo. Telle est la lassitude que plusieurs, sans doute, préféreraient courir le risque de passer la nuit sur l'îlot et d'être balayés par la tempête. Mais aucun murmure ne s'élève, tous sont debout, prêts à lutter de nouveau. Les faunes se résignent plus malaisément. À l'ordre de Pirippe, ils geignent, se lamentent, pressent leurs têtes à deux mains, supplient leurs frères de les abandonner. Leur force est épuisée. Mourir pour mourir, ils préfèrent expirer sur cette grève plutôt que de sombrer dans les gouffres amers. Et, comme les centaures les saisissent par la main et essaient de les entraîner, ils se laissent aller, passifs sur le sol, refusent d'avancer. L'embarras est grand. Les animaux rois n'abandonneront pas leurs cadets derrière eux. Gurgundo conçoit une ruse. Voici que s'élève un chant très doux. C'est le cœur mélodieux des sirènes qui vante la splendeur de la terre étrangère. Dans l'onde transparente, elles font reluire leurs corps sveltes et miroiter leurs queues nacrées. De leur voix charmeuse, elles appellent les faunes. Elles leur tendent les bras, leur laissent entrevoir des voluptés nouvelles. Le désir est plus fort que la peur. Fascinés, les plus ardents des pieds de chèvre se jettent à l'eau. Les autres suivent avec des gémissements. La mer blanchie sous les corps qui se précipitent devient vivante. Éperdument, Oyotoro et Valvor soufflent dans leurs conques. Les sirènes chantent à gorge déployée. L'îlot est vide. Les trois tribus suivent Gurgundo vers leur destinée inconnue. Bientôt, ceux qui se retournent n'aperçoivent même plus la grève plate. Seulement des rondes d'oiseaux de mer qui se rapprochent indiquent la place où Priule et Payanx ont trouvé le grand repos. Mais les animaux nobles ne connaissent point les lamentations stériles. Leur espoir va vers l'autre terre et ils se concentrent tout entiers dans l'effort suprême. Gurgundo a dit vrai. S'ils avaient contre eux la marée et le courant, les plus vaillants eux-mêmes renonceraient à la lutte. Mais de se sentir secondés par eux rend une sorte de confiance aux meilleurs, les aide à combattre la détresse où peu à peu s'abîment les faibles. Cadilda s'est placée entre les deux vieilles, Urico et Siadda, et les encourage. Mais elles ne lui répondent pas. Quand la vague les épaules, leurs regards anxieux se portent vers le rivage dont elles s'approchent si lentement et leurs narines hument vainement l'odeur de la terre grasse. Quand elles s'enfoncent dans les gorges profondes qui se creusent entre les montagnes d'eau, leurs yeux roulent et elles s'étouffent. Parmi le fracas des vagues, on entend le souffle haletant des poitrines. À l'arrière-garde, le courage des pieds de chèvre est à bout. Déjà, ils ne se laissent plus distraire par les malices des tritonneaux qui plongent à travers les vagues, reparaissent un poisson à la main et l'offrent en riant aux nageurs. Mais, les uns après les autres, ils s'abandonnent au désespoir et cessent de lutter. Quatre ou cinq des tritons seulement sont demeurés aux côtés de Gurgundo. Tous les autres, appelés à grands cris, sont venus aider leurs frères à soutenir sur les eaux les faunes recrues de fatigue. Ils les secouent, les plaisantent, les injurient et les encouragent tour à tour. Peine perdue, les fils des forêts n'en peuvent plus. Ils laissent retomber leur tête sur leur poitrine et leurs membres demeurent inertes. Tritons et sirènes se relaient pour les empêcher de s'abîmer dans les flots. De temps en temps, le torse de Gurgundo, lisse comme la peau du marsouin, se profile sur la cime des lames. Comme le soleil descend, il abrite ses yeux de sa main pour ne point perdre sa route. Et, à chaque instant, sa voix jette l'appel du ralliement. Mais voici que les forces des centaures s'épuisent. Leurs yeux s'injectent et s'embrument. Le froid les gagne, leurs articulations se raidissent. Leurs mouvements se font convulsifs. Les respirations sont saccadées. Le bruit de la mer ronfle formidable aux oreilles. L'odeur salée emplit les narines et les bouches. D'instant en instant, la houle grossit. Les vagues croulent, passent au-dessus les têtes qui émergent plus difficilement. Quand ils descendent dans les précipices humides, les centaures perdent l'espoir de revoir le soleil et sentent tout en bas la mort qui les tire par les pieds. Un son rauque échappe du gosier de Clévorac, terrassé par un coup de mer. Laborieusement, il dégage sa face limoneuse. « Approchons-nous !» Gurgundo se retourne, les sourcils froncés. L'accent de souffrance du vieux a touché son cœur et le grand grave. Il a de bonnes paroles pour l'encourager. Qu'il regarde et écoute au haut de la prochaine lame. « La voici !» L'énorme gonflement vert atteint les centaures et les soulève. Cadilda, Clévorac et Arc érigent leur taille. À quelques foulées en avant, ils discernent au-dessus d'un effroyable bouillonnement d'écume des roches noires où la mer se brise furieusement. Et ils entendent le fracas des lames qui déferlent et le grondement âpre du ressac. La vague s'enfuit. Derrière elle, ils sombrent dans le gouffre. Le spectacle qu'ils ont envisagé, au lieu de les réconforter, accroît leur détresse. Assurément, Gurgundo s'est trompé. Tout à l'heure, leurs corps seront broyés contre la barrière de granit. Pourquoi s'obstiner? La mort hurle par le sang voix de tonnerre. La houle a désuni la procession des nageurs. Ils se sentent perdus sur la mer immense. C'est la fin. Mais la conque de Gurgundo domine le tumulte. Avec de grands gestes de joie, le triton crie plus fort que l'océan. Sauvés, tous sont sauvés. Oyotoro est allé en avant, a reconnu le chenal qui s'ouvre entre les récifs et conduira les centaures sur une plage paisible. Encore un effort et la terre nouvelle, la terre chaude, riche, embaumée, est à eux. Et dans leurs muscles épuisés, les centaures trouvent de quoi lutter encore. Les dents serrées, les yeux vitreux, ils combattent corps à corps contre la mort salée qui les assaille sans relâche. Ils n'ont plus de pensée, mais farouchement, de toute l'énergie tendue de leur race, ils se raidissent dans le spasme suprême. Inutilement, sans doute, car chaque fois, la lame passée, ils se sentent ramenés en arrière. Et, dans le vacarme des flots, qui donc oserait garder un espoir? Côte à côte, rapprochés par le hasard, il y a Clévorac, Urico, Arc, Colpitru, Cadilda et Siadda. Mais ils ne se voient même plus dans le vertige où sombrent leurs pensées. Le brouillard de la mort les enveloppe. Des mains robustes saisissent leurs bras et les secouent en même temps que des cris aigus les forcent à relever la tête. Faut-il donc encore vivre? Les faces hilares de Gurgundo, d'Oyotoro, de Valvor, de Borborum, leur apparaissent comme dans un rêve, descendent avec eux dans l'abîme noir, remontent avec eux sur la crête d'une montagne bouillonnante, où, tout à coup, ils retrouvent le soleil. Qu'y a-t-il ? Une clameur dernière d'angoisse s'échappe des gosiers. Au milieu de l'écume, les têtes brunes des écueils se dressent de tous côtés. Et, semblables à deux monstres, deux récifs énormes guettent les nageurs et attendent que la vague qui les porte vienne broyer leurs os fragiles contre les flancs de granit inexorables. L'eau amère remplit les bouches et les narines. Leurs yeux se ferment, les membres s'abandonnent. Les centaures sont vaincus. Hardi ! Gurgundo a empoigné Clévorac. Dans une étreinte d'agonie, Cadilda s'est cramponnée à l'épaule de Borborum. Des deux bras, Uyotoro soutient le torse inanimé de Uriko et s'avance à furieux coups de queue dans le chenal mugissant. Hardi ! Hardi ! Une montagne s'écroule. Avec une puissance irrésistible, elle entraîne les nageurs comme des fétus et les fait tournoyer sur eux-mêmes. Une plainte se perd dans le tumulte. Ils s'agonisent. Et puis, brusquement, les yeux éperdus revoient le soleil. Et Cadilda s'aperçoit qu'elle vit en se sentant projeter à genoux sur un lit de galets. Une odeur de terre embaume ses narines. Les rochers et les tourbillons d'écume sont franchis. Devant elle, une petite grève s'allonge en pente de douce. Elle se relève péniblement, trébuche, fait quelques pas et, comme sur la couche la plus moelleuse, laisse aller ses membres ensanglantés sur les cailloux. Sans dire un mot, Clévorac s'abat à côté d'elle. Arc et Colpitru émergent en même temps. Ils ont eu la force de soutenir entre eux Uriko. Mais avec de grands murmures, les tritons halent sur le sable le corps de la vieille Ciadda. Tout à l'heure, dans un remous, elle a échappé à l'étreinte de Valvor. Sa tête a frappé contre le roc. La vieille centauresse ne contemplera point la terre nouvelle. Sans s'attarder à de stériles regrets, les fils de la mer replongent dans les flots. Ils vont chercher, au-delà des écueils, le reste du peuple aux six membres pour les aider à franchir le chenal. Malgré leur lassitude, ceux qui ont atterri se redressent, regardent avec terreur le torrent qui écume entre les berges de granit, se demandent comment tout à l'heure ils ont pu s'y laisser entraîner sans se fracasser, comment leurs frères en réchapperont. Les instants s'écoulent interminables. Est-ce donc que tout le reste des animaux rois a succombé ? Non. Au milieu des brisants, voici les bustes des tritons. Ils guident de leurs bras infatigables les centaures, que les tourbillons marins entraînent tantôt vers l'une des parois rocheuses, tantôt vers l'autre. À l'aspect de leurs frères, Cadilda, Arc, Colpitru et Clévorac se lèvent, s'avancent dans l'eau à leur rencontre et, tour à tour, les recueillent des mains palmées de leur sauveur. Hagard, ruisselant de sang, méconnaissable, les jambes rompues, les centaures prennent pied l'un après l'autre et s'affaissent sur la grève caillouteuse où ils demeurent pantelants, le corps trop épuisé, l'âme trop recrue pour qu'ils se réjouissent d'avoir échappé à la mort. Et bientôt après, le fleuve bouillonnant se peuple de nouveau, et tritons et sirènes reparaissent, disputant au flot les formes inanimées des faunes. Bien peu des mangeurs de raisins ont encore la force de céder eux-mêmes. La plupart ont perdu connaissance. Leurs visages sont verts, leurs membres flottent au hasard des vagues. Et les centaures croient recevoir des cadavres entre leurs bras. Quand Clévorac aperçoit Pirippe, il l'interpelle. Le faune essaie de sourire, mais sa bouche se crispe et il retombe comme une massue. Jusqu'au moment où tous sont étendus hors de l'eau, les tritons ne cessent de replonger, d'aller jusqu'au-delà de la barrière des rochers porter secours à ceux qui arrivent. Et à mesure qu'ils atterrissent, les premiers débarqués, qui ont déjà repris leur sens, frottent les membres glacés et raidis, secouent les corps inertes pour faire vomir l'eau de mer, les traînent au soleil qui les réchauffera. Avant que les rayons de l'astre s'éteignent sur la terre nouvelle, la triple race des animaux nobles est tout entière rassemblée sur la grève. Et, successivement, Clévorac et Pyrippe appellent par leur nom chacun de leurs frères. Mais plusieurs des centaures et davantage des faunes ne répondent pas. Il en est que les vagues sont arrachées à l'étreinte des fils de la mer. Il en est qui, sans bruit, se sont engloutis dans les gouffres humides et que nul ne reverra plus. Et d'autres, dont les corps gisent sur la terre nouvelle, ne la fouleront point de leurs pieds, sans force, à jamais. Avec tristesse, Pyrippe considère les cadavres déformés de 4 faunillons. Et Clévorac, après l'avoir à 3 reprises ailé inutilement, se convainc qu'il ne reverra pas Krebs, qui naquit la même année que lui, et non plus Siadda, et non plus d'autres encore. Mais quand il s'agit de la vie de tous, la vie de chacun est peu de chose. Qu'importe quelque disparu, puisque la race est sauvée. Il n'est point de victoire qui ne coûte du sang. Les animaux rois ont vaincu la mort. S'il convient de célébrer ceux qui succombèrent, il ne convient pas de s'affliger de leur destin. Déjà les cœurs se ressaisissent et toutes les têtes se redressent d'un même geste de fierté quand la voix de Clévorac commande. Que Urico l'Antique nous chante le chant du deuil et de la victoire. Mais pour la première fois, la vieille centaurès ne répond point à l'ordre du chef. Étonnée, Cadilda s'approche d'elle. Elle est demeurée comme les tritons l'ont déposée tout à l'heure sur la plage, couchée sur le côté, les jambes allongées, ses côtes faisant saillie sur ses flancs pelés et sur son torse maigre, les dents serrées, les yeux vitreux et ses cheveux gris épars sur la pierre. La Vierge pose la main sur son bras et la retire avec un cri. Urico est morte. Sa voix ne chantera ni les morts ni la victoire. Déconcertés, les animaux nobles se rapprochent les uns des autres pour se réchauffer par leur contact mutuel. Comme un seul peuple, centaures, faunes et tritons se couchent pêle-mêle, les membres enlacés. Et, comme la respiration énorme d'un seul être, l'haleine de la triple race monte sur la terre conquise dans le silence de la première nuit. Çà et là, les grands nuages pommelés, grands, gris et lourds, se disjoignent et, dans les fentes noires, quelques étoiles clignent de très haut.